sans passer ni avenir. Je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. Sans passer ni avenir, je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. L'homme me dit que je m'engage sur une voie sans issue. Il ne manque l'oraison funèbre, je bois leur santé sans me laisser troubler par ces mornes voix. Je marche dans pas des idées, aide mon Seigneur à porter sa croix, tel Simon de Cyrène. Et comment le traduirais-je à mon niveau face aux sirènes de la peur et son manège, une skinnerie, une humeur sereine. Je vivrai grand, abandonné à une humble tâche dans l'arène du monde. Je suis l'homme effacé qui a osé la main levée, se porter volontaire et prendre ses responsabilités. Je suis celui qui sert. Sans doute vous demanderez-vous pour qui se prend cet homme si fier. Ne sens pas la propos de vous, quelle est cette attitude altière. Mais sachez que je ne suis point quelqu'un de particulier. Je suis l'étouffé humain porté par tout souvent oublié. Ma petite identité, vanité des vanités, habité de vacuité, mon moi altéré ne fatuité. Sans passé ni avenir, je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. Sans passé ni avenir, je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. À l'horizon je vois point d'épreuve m'attendant, de pied ferme à bras de corps. Résolument je l'apprendrai, la traiterai, ma façon l'appréhenderai. La leçon je l'apprendrai, quant à la peur je l'apprendrai. Au crochet de ma volonté d'avancer en humanité, dans la digne gravité des géants m'ayant précédé. Je suis l'avorton de misère, osant prétendre marcher dans les pas des saints modèles de naguère. Pas tous des saints, je sais ça, mais des êtres dans le dessin. Fouille de plongée au plus profond, au sein de l'immense bassin de l'âme humaine dans le fond. Ce fond elle se confond avec le riche abîme sans fin du divin là où s'en vont sans cesse mais pas en vain les existants tous plus éphémères les uns que les autres. Engagés dans un processus on peut écouter les apôtres, celui de la rencontre avec soi donc avec Dieu. Tout homme est un reflet qui montre les splendeurs creusées les cieux. Sans passé ni avenir je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. Sans passé ni avenir je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. Dans le fond de mes entrailles, une tension par conséquent je me détends. Mes failles, c'est en indifférent que je les traite. Plus préoccupé par qui je veux être, éperdu d'immensité. Je suis celui dont la vie consiste à sans cesse co-créer qui je serai. Une piste sans fin mettant la finalité de toujours surmonter ce par quoi s'enquiste le moi. Refuser d'apposer dans un faux acte de foi un point d'interrogation, question à jamais ouvert. Dépasser les définitions, multiplication des découvertes. La liberté humaine c'est de repousser pour soi les misérables réponses. Fin définitive d'où nous sommes les proies. Sous météores apaisés, un déchaînement de force mugissante, un brasier inextinguible. L'écorce se craquait, le ratel. Mes énergies canalisées par mon équipe vers le ciel, j'affirme sur elle ma royauté. Sans passé ni avenir, je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière. Sans passé ni avenir, je suis l'homme de poussière, ma tâche, faire advenir la justesse, la manière imparfaite d'une créature inachevée mais volontaire. Je n'attendrai pas d'être pur pour me faire tisant de lumière.